consacré à Arthur Kadimanzouchi, le grand financier international. Na mama Alexandrine Lukunku, fleur de lotus. Un jour, toko balana, toko salapé libota. Nani maki kola tisa yo monto ya bolingo. Loko la roi Salomon la tisa la reine de Saba. Alex, Zali a solo ma fleur d'amour. Fontaine ya bonheur nanga, vous a chapelé. Nga inde bakanja, mi fimbo alongange. Fia, na koufa nango na nzoto. Na koko kate. Alexandrine, fierté à Congo. Vous à fleur d'amour, fleur de lotus, la femme aux yeux de lune, Zotoya velours. Congo ya bota et koma mine longina yo. Mwagadima, maman Nicolas. Mwagadima, maman Nayan. Mwagadi, maman Aurélie Kati. Mama bengelanga naike mouka. Mama bengelanga ya kolam. Mama bengelanga ya Inès. Bayoka musique ya pondération 8 ya blessé boula. Vainqueur des dangers, ingénieur. Alexandrie, mama lomonia bona kito konayoye. Bona kito konayoye. Alexandrie, mama ya banaya. La baloni, passa la ma foute lengi, moi na maye la banga kate, exercice na classe. Chera lingi nini, olobi nini, aleta lingi nini, na sombe na yo kate ciel, na tonge na yo ta chato, na kinga kati, jaka na avero. Aleta kati mandu sinanga, mama lele weekend. Ta kito koto bimae, ta kene shetemba, le klebe na rivonya. Na palme bichile na champagne zangate. Soare ya lile kole katamide enose. Chuke chuke piken gana mama. Mama vwane vwane. Dana papa kwiza ngetanwa. Ampesha makenina niswa. Nikebuka.